Toute peine mérite salaire. Desdou, en rentrant chez lui, trouva sa femme sur le seuil de la porte. Elle allait partir pour la messe. « Comment tu as été longtemps? Vas-tu mieux ?»« Mais oui, ma bonne amie, je vais très bien. J'ai pris le frais au bord de la Vivane et ça m'a ragaillardi. À propos, le petit Laplace que j'ai rencontré là-bas va venir te voir tantôt. Ça va te faire plaisir, tu lui donneras 15 sous. »« Quoi donc, mon chéri ?» tu verras, c'est une surprise. » À ce moment, le facteur qui passait lui remit une lettre. « D'où vient-elle ? » dit Madame Desnoux, curieuse. « Une lettre d'affaires ?»« Ah, que c'est ennuyeux !» s'écria le notaire qui lisait. « Je suis forcé de partir tout de suite. »« Où ? À Caen ? On ne m'a pas prévenu. C'est aujourd'hui que vient la liquidation des foulonniers, et ça va durer 3 jours. »« Mais tu vas toujours prendre le temps de déjeuner ?» « Oui, mais au galop. J'emmène le second clerc avec moi. » Une heure après, M. Desnoux montait dans la diligence qui le menait jusqu'à Dozulé, où se trouve la gare la plus proche. Madame Desnoux, revenant de la messe, passait. « N'oublie pas de donner les 15 sous, lui cria son mari. Elle rentra chez elle, fort intriguée par cette commission mystérieuse. Pendant ce temps, le petit Laplace, au bord de l'eau, cherchait des écrevisses. Il trouvait dans ce travail diversion à sa peine. S'étant mis les pieds à l'eau, le sang ne lui fouettait plus les tempes, et il redevenait raisonnable. Un sanglot lui montait encore quelquefois à la gorge, comme les coups de tonnerre intermittents lorsque l'orage est parti. Son caractère inconscient féroce de paysan lui suggéra une idée. Il sortit de l'eau et rejeta les quelques écrevisses qu'il avait déjà prises. « Ah, des écrevisses ! Je vais lui porter autre chose à M. Desnoux. » Et il partit. Ses yeux brillaient à la pensée qu'il allait être vengé. Quand il arriva chez le notaire, il demande Madame Desnoux. Le petit clerc le fit entrer dans le jardin où la brave femme cueillait du persil. Le matin, elle aidait un peu la bonne à préparer les repas. « Ah, voilà le petit Laplace qui m'apporte quelque chose. » Le gamin était devant elle, tenant sa casquette dans ses mains, raide comme un pieu et avec un léger tremblement sur ses lèvres pâles. « Qu'est-ce que c'est, dis-moi » Madame Desnoux était bien intriguée. Il devait apporter quelque chose et n'avait rien dans les mains. Le petit Laplace la regarda et dit « Je n'ose pas. » Puis, presque à voix basse, « Voulez-vous savoir où est votre pantalon ?» Madame Desnoux, qui était agenouillée en cueillant ses herbes, se redressa vivement. « Mon pantalon ? Qu'est-ce que tu dis ?» « Oui, dans le bourg, tout le monde a parlé d'un beau pantalon qui vous a été pris. »« Eh bien, je sais où il est, c'est chez la Jeanne. »« Je m'en doutais, » s'écria Madame Desnoux, « mais tu es bien sûr ? Comment sais-tu que c'est le mien ?»« Il y a un grand dé au fond tout brodé. »« C'est bien lui, mais comment sais-tu que la Jeanne l'a chez elle ?»« Bédame, » dit le gamin, « je l'ai vu se déshabiller. » Madame Desnoux rougit un peu. Mignet avait donc raison. « Tiens, attends. » En tirant son porte-monnaie de sa poche, elle compta 15 sous qu'elle remit au petit Laplace, ainsi que son mari le lui avait recommandé. Cette surprise lui causait un grand plaisir, certes, et M. Desnoux avait eu raison de ne pas lui dire dès le matin ce qu'il en était. Elle eût été capable de ne pas écouter la messe sans distraction. Et pleurant de joie, elle entra dans sa cuisine, où elle dit à la vieille bonne « J'ai retrouvé mon pantalon !»